Chapitre 7e. Alors ce fut pour Gisèle le chemin morne et rugueux du calvaire. Les jours s'entassèrent sur les jours, les semaines sur les semaines, les mois sur les mois, sans changement. Désireux de ne rien épargner pour la guérison, ou soucieux de se débarrasser d'un cas désespéré, les médecins conseillèrent de tenter des cures thermales sur ce qu'avait été Jean Bertoli. Comme le galérien arrivait à son boulet, Gisèle suivit à travers la France et la Suisse son sinistre compagnon. Avec d'infinies précautions, elle le transporta de station en station à la poursuite de la guérison introuvable. Ferrugineuse, sulfureuse ou salée, on essaya toutes les eaux. Massage, douche, bain froid ou bain chaud, électricité, sérum, rien ne fut épargné. Le corps s'obstinait à ne pas guérir. Mais il se cramponnait à la vie, prospérait, devenait énorme, effroyable, hideux. Peu à peu, le silence et la solitude s'étaient faits autour de Gisèle. Tant qu'elle était demeurée à Paris, on était accouru auprès d'elle pour la plaindre et l'entourer. Mais de loin, la sollicitude se dispersait, se lassait, se faisait plus rare. Son malheur était pénible à envisager, presque répugnant. On évitait d'y songer. Et pourquoi s'éterniser dans les mêmes consolations ? Elle-même laissait tomber les correspondances. Qu'avait-elle à dire et à quoi bon ? Puisqu'aussi bien, en dehors de ses besognes de garde-malade dont elle s'acquittait scrupuleusement, une seule pensée l'occupait tout entière, l'amour de Robert. Elle ne l'avait plus revu. Ayant quitté Paris avant son retour, elle l'avait prié elle-même de ne pas chercher à le revoir, car elle mesurait trop la souffrance qu'il avait fui pour vouloir l'y replonger. Et Robert, lâche peut-être, avait consenti. Mais il lui écrivait souvent des lettres passionnées, où il lui disait ne vivre que pour elle. Elle lui répondait avec toute sa tendresse, qui semblait croître de tout son sacrifice. Mais peu à peu, leur correspondance aussi se ralentit. Le ton de Robert devenait plus morose, plus sombre, plus amer. À travers ses lignes, elle devinait sa déception toujours renaissante de ne jamais recevoir la nouvelle attendue. Chacun des billets qu'elle lui écrivait avivait la plaie de son cœur, réveillait ses rancœurs et sa désolation. Aussi, elle ne lui en voulut pas quand elle vit peu à peu ses lettres s'espacer et devenir plus brèves. Que lui dirait-il qu'elle ne sut ? Et du moment qu'elle ne pouvait lui envoyer la parole de délivrance, pourquoi le torturer ? N'était-il pas capable de vivre tous deux dans le rêve en attendant qu'il devînt la réalité ? Car Gisèle n'avait plus eu le courage de s'interdire de songer à l'avenir. Sans doute, c'était ce qui lui donnait la force de vivre. Elle savait que M. Bertoli ne guérirait pas. Donc, il y aurait un jour où elle serait libre. Et ce serait aux yeux de tous, sans scandale, sans péché, qu'elle pourrait donner sa vie à Robert. Si glorieuse était cette perspective que quelquefois, elle ne pensait pas payer trop cher son bonheur. La dernière lettre de Robert lui dit qu'il repartait pour un long voyage. Il n'avait pas le courage de lui promettre de ses nouvelles. Alors, elle vécut toute seule. Les habitués des villes d'eau se désignaient la jolie dame, vouée à sa tâche héroïque, et la saluaient respectueusement. Elle entendait quelquefois vanter son dévouement et son amour, et souriait en elle-même. Non, elle n'avait ni dévouement ni amour. Seulement, il fallait qu'elle restât pure et sans tâche, puisqu'elle ne pouvait cesser d'être elle-même.